chant du lion. Des étoiles, tu n'as vu venir ni pierre ni sarcasme lancé sur ta fierté, sur ton passé, sur tout ce que t'as aimé. T'as pas compris ta faute, ton nom, ta race, parce qu'un colon un jour a inventé toutes tes qualités. Et tes collines et tes étoiles n'ont pas senti venir la menace, mais qui veulent-ils exterminer? Petite sœur, parfum d'exil, tu es mon oxygène, ma flamme. Et sous tes yeux couleur charbon, ton sourire taillé à la lame, j'entends gronder le chant du lion. Littéralement répondit les armes, la chasse à court était lancée. Et alors tout s'est mélangé, la boue, le sang, les cris, les larmes. Pourvu que ça crée, pourvu que ça crame. Les marais sous la bâche, la cave vers les ambassades. Pour sauver un frère ou un autre, tu failles mourir en croisade. Et dans les camps de réfugiés, tu entames un ton odyssée. Petite sœur, parfum d'exil, tu es mon oxygène, ma flamme. Et sous tes yeux couleur charbon, ton sourire taillé à la lame, j'entends gronder le chant du lion. Ooh, aïe, aïe, aïe. C'est à Bruxelles, 5 ans après, que mon cœur a vibré. Et dignité. Ce que t'as vécu pour moi, c'était 3 lignes dans les journaux. T'as tout perdu là-bas, t'as vu le diable et ses dévots. T'as partagé le festin des bêtes, ici t'es rien qu'une immigrée. Même si malgré l'amour, toute ignorance accuse le noir. Quand notre enfant naîtra,